Et maintenant, madame, vous qui lisez ces lettres d'une épouse et d'une mère, comprenez-vous, sentez-vous les angoisses, les alarmes de ce proscrit, fils, époux et père, recevant là-bas, en Afrique, séparé de sa famille par l'immensité des mers, ces tristes nouvelles qui le laisseront dans une horrible incertitude sur la santé de sa mère, de sa femme ou de ses enfants? Combien de jours se passeront avant qu'une autre lettre vienne le rassurer ou lui ôter tout espoir? Avec quelle douloureuse impatience il l'attend, cette lettre, à la fois si redoutée, si désirée. Et s'il reçoit un jour la lettre suivante? Décembre 1851. Edmond, mon Edmond bien-aimé. Le médecin ne désespère pas de sauver Juliette, quoique la fièvre typhoïde se soit déclarée. Albert est un ange. Il montre un dévouement au-dessus de son âge. Moi, je puise dans les circonstances un redoublement d'énergie. Je me porte bien. Jusqu'ici, rien que de rassurant pour toi dans les débuts de cette lettre. Et pourtant, mon Edmond, jamais, entends-tu bien, jamais tu n'auras eu plus besoin de courage, de résignation qu'aujourd'hui. Edmond, je devine tes angoisses. Je te parle de nos enfants et de moi, et je ne te parle pas de ta mère. Je ne te parle plus de ta mère. Tu m'as compris. Ah, si je ne m'adressais à une âme aussi ferme que la tienne, j'aurais pris plus de ménagement pour t'annoncer ce coup affreux. Maintenant, mon ami, pleure. Pleure comme nous la pleurons, cette mère adorable. Laisse couler tes larmes. Laisse éclater les sanglots qui déchirent ton cœur. Tout à l'heure, tu continueras la lecture de cette lettre. Tu ne le pourrais en ce moment. Le coup est affreux, n'est-ce pas, mon Edmond? Aussi affreux qu'inattendu. Pour nous aussi, il a été inattendu. Pauvre bonne mère. Quoique bien faible encore, elle entrait en convalescence. Des soins, du repos, et surtout l'absence de toute émotion vive, nous disait toujours le médecin, elle est sauvée. Oui, elle était sauvée. Les soins les plus tendres ne lui auraient pas manqué. Mais une terrible émotion l'a tuée. Voici des détails, mon ami. La patiente anxiété de ta douleur les désire. Ils ne pourront l'augmenter, cette sainte douleur, mais ils la rendront plus sainte encore, car ces détails te diront la mort sublime de notre mère. Lis, admire et prie pour elle. Il y a 4 jours, je t'avais écrit dans cette matinée pour t'annoncer la maladie de Juliette. Il y a 4 jours, vers 1h30 du matin, je veillais ma fille. Le moment de son accès prévu par le médecin approchait. Albert dormait profondément. Notre mère aussi dormait. J'entendais sa respiration paisible à travers la porte de sa chambre, laissée entr'ouverte. Honorine avait désiré passer, comme d'habitude, cette nuit à la maison. Mais voyant cette pauvre fille excédée de fatigue et voulant qu'elle pût dormir tranquillement pendant une nuit tout entière, j'exigeais qu'elle allât coucher chez sa tante. Je veillais donc Juliette vers 1h30 du matin. Je t'ai dépeint notre appartement. On y entre par un petit cabinet obscur. Soudain, j'entends frapper très doucement à la porte extérieure, si doucement que ni ta mère ni les enfants ne se sont réveillés. Je me lève, je vais à la porte et je demande à voix basse. « Qui est là ?»« Moi, madame, » me répond-on aussi à voix basse. « Moi, la portière de la maison. » Il s'agit d'une commission pressée. J'ouvre sans défiance, et je me trouve en face de la portière et d'un capitaine de gendarmerie accompagné de plusieurs soldats échelonnés sur l'escalier. L'un d'eux portait une lanterne. Tous avaient gardé un si profond silence que, je te l'ai dit, aucun bruit n'était parvenu jusqu'à moi. Je jette un cri de surprise et de frayeur. Le capitaine met la main sur ma bouche, me saisit par le bras et dit à ses hommes « Maintenant, très vite, fouillez partout. Il n'aura pas été prévenu. Il n'aura pas eu le temps de s'échapper. » À cet ordre de leur chef, 5 ou 6 gendarmes, les uns le sabre à la main, les autres le pistolet au poing, se précipitent dans la chambre où étaient couchés nos enfants. Je songe à leur épouvante, à celle de ta mère voyant notre logis envahi par des soldats armés, comme il le fut le jour où l'on vint arrêter. Éveillée en sursaut par l'apparition de ces hommes qui lui rappelaient 1000 souvenirs douloureux, ta mère devait être saisie d'une émotion terrible, mortelle peut-être. Frémissant des suites que cet événement pouvait avoir, je veux m'élancer sur les pas des gendarmes. L'officier me retient et me dit « Madame, il faut que j'exécute mes ordres. Scipion David ne nous échappera pas cette fois. Il est caché ici. Ne le niez pas, je le sais. » Ainsi, on était à la poursuite d'un de tes meilleurs amis, et on le croyait caché ici. Cela était faux, car depuis les événements de décembre, je n'avais pas vu M. Scipion David réfugié, m'avait-on dit, en Belgique. Mais déjà j'entendais les cris de frayeur des enfants qui m'appelaient, et je distinguais la voix de Juliette, plus aiguë que celle de son frère, dont l'accent devenait déchirant. L'heure de son accès de fièvre était arrivée. La terreur devait en redoubler la violence. Je fis un effort désespéré pour m'arracher des mains du capitaine en m'écriant « Mais personne n'est caché ici, je vous le jure, sur la vie de mes enfants. Ma fille est malade, ma mère à peine convalescente. Laissez-moi, monsieur, par pitié, laissez-moi. » Le capitaine, supposant sans doute qu'il m'était dès lors impossible de prévenir le fugitif que l'on cherchait, ne me retint plus et me dit « Mes ordres sont rigoureux, madame, il faut que je les exécute. Scipion David est ici, livrez-le, je me retire. » Je ne lui répondis rien, tant j'étais alarmé. Il me suit, je cours dans ma chambre. Juliette, en proie au délire de la fièvre, était sortie de son lit, pieds nus et en chemise, les cheveux épars sur ses épaules. Elle criait dans son délire. « Ah, père, père, coupe les cordes qui attachent tes mains, coupe-les. Voilà un couteau. » Albert, debout et demi-nu, comme sa sœur, sanglotait, faisait d'inutiles efforts pour la contenir en me criant. « Mère, mon Dieu, Juliette est folle. » Pendant cette scène désolante, les soldats bouleversaient tout dans l'appartement, dérangeant les meubles, fouillant les armoires, renversant nos couchettes, jetant çà et là les matelas sur le carreau, afin de s'assurer que nos lits ne cachaient personne. Un des gendarmes ouvrit la fenêtre pour regarder sur le toit, supposant sans doute que le fugitif avait pu s'évader de ce côté. Au dehors, une bise glaciale soufflait et venait frapper Juliette demi-nue, trempée de sueur et dans l'effort de son accès. Un moment, je te l'avoue, mon ami, je perdis la tête. J'oubliais notre mère pour ne m'occuper que de ma fille. Je l'enveloppai à la hâte dans un manteau. Et quoiqu'elle se débattît et se raidît avec une force convulsive, je parvins à maîtriser ses mouvements et à la coucher sur un de nos matelas jetés à terre par les soldats en fouillant les lits. Mon trouble, mon effroi, je te l'ai dit, pauvre ami, m'avait fait oublier notre mère. Les cris d'Albert, réfugié chez elle, me la rappellent. Impossible d'abandonner Juliette dans l'état alarmant où elle se trouvait. Je l'enlève entre mes bras, comme un enfant au berceau, sans comprendre encore comment j'en eus la force, et je cours à la chambre de notre mère. Courage, mon ami, courage. Il nous en faut à tous deux. À moi pour continuer cette lettre, à toi pour continuer de la lire. En entrant chez notre mère, je vois le bois de son lit renversé, et elle-même étendue à terre sur un matelas, à peine enveloppée dans une couverture. Ses cheveux blancs, dénoués, cachaient presque entièrement son visage. Elle grelottait, car à deux pas d'elle, une fenêtre ouverte par les soldats, comme l'avait été celle de notre chambre, laissait pénétrer un froid glacial. Une des jambes de notre mère, nue et amaigrie, sortant de dessous son drap, faillit être brisée sous le talon éperonné d'un des gendarmes, qui se baissait alors, sa lanterne à la main, pour examiner l'intérieur du conduit de la cheminée. Notre mère pousse un cri de douleur. Puis se contenant, elle me dit, en me voyant alors entrer avec Juliette qui se débattait dans mes bras, « Louise, ce que nous endurons n'est rien auprès de ce que souffre, de ce que souffrira mon fils. »« Albert, m'écriai-je, ferme vite la fenêtre dont le courant glace ta grand-mère. » L'enfant obéit, et à ce moment le capitaine, furieux de l'inutilité de ses recherches, me dit d'un air presque menaçant, « Scipion David était ici, madame. Vous avez été prévenue de notre arrivée et vous l'avez fait évader. »« Ah, monsieur, s'écria ta mère, n'est-ce donc pas assez d'envahir ainsi la demeure de deux femmes dont l'une a mon âge et l'autre veille sur un enfant malade? Oseriez-vous encore nous menacer ?» Puis me regardant, « Ah, quel bonheur qu'Edmond ne soit pas ici. » « Il faut que Scipion David se retrouve, s'écrie le capitaine en frappant du pied. « Vous êtes responsable de son évasion. » À ces injustes et dures paroles, notre mère fut sublime de dignité. Elle se redressa sur son séant. Sa figure vénérable, entourée de ses longs cheveux blancs, exprimait une indignation écrasante. Elle s'écria. « Sortez, monsieur, sortez. Vous ne respectez ni la vieillesse, ni l'enfance. Vous serez maudit des hommes et de Dieu. Sortez d'ici. Madame, répondit le capitaine, baissant les yeux devant le regard imposant de ta mère, je suis obligé d'exécuter mes ordres. Celui que vous cherchez n'est pas ici, reprit ta mère d'une voix affaiblie. Je vous l'ai dit, et je vous défends de douter de la parole d'une mourante, car je le sens, je ne survivrai pas aux émotions de cette nuit. Sortez, monsieur, laissez-moi du moins mourir en paix dans les bras de ma fille et de ses enfants. La voix, l'accent, l'attitude de ta mère dominèrent tellement ces soldats qu'ils n'osèrent pas insister davantage et ils se retirèrent. Nous sommes restés seuls avec notre mère et les enfants, dans notre demeure bouleversée. Je tenais toujours Juliette entre mes bras. Ses mouvements, moins saccadés, m'annonçaient la fin de son accès. Mais sa figure qui touchait la mienne, ses épaules, ses mains, ses pieds, étaient glacées par le froid de cette nuit d'hiver. Les dernières paroles de ta mère avaient épuisé ses forces. Elle retomba sur son matelas. Hélas, à peine convalescente et ne se soutenant qu'à force de soins, de précautions, elle venait d'être réveillée en sursaut, frappée de terreur, exposée, presque sans vêtements, à une bise pénétrante. Cela pouvait être, pour une femme de son âge, un coup mortel. Aussi je dis à Albert, « Mon enfant, il nous faut à tous du courage. Habille-toi vite et cours chercher le médecin pour ta grand-mère. Ne crains rien, en ces temps-ci, les rues sont sûres. On y rencontre à chaque pas des soldats. » Sois tranquille, maman, je n'aurai pas peur, me répondit résolument ce pauvre enfant en s'habillant à la hâte. Juliette, en ce moment, aussi accablée qu'elle avait été agitée, restait inerte dans mes bras. N'ayant pas le temps de refaire son lit, parce que je voulais revenir près de ta mère, dont l'état m'effrayait, j'enveloppai ma fille dans une couverture. Je la déposai sur un des matelas de notre chambre et je courus près de ta mère. Je relevai le bois de son lit que je regarnis de mon mieux. Je la pris dans mes bras toute défaillante et je la couchai après avoir rajusté sa chevelure en désordre. Il se passa quelque temps avant l'arrivée du médecin qu'Albert était allé chercher. Notre mère s'affaiblissait de plus en plus et malgré mes efforts pour la réchauffer, elle restait frissonnante et glacée. Une demi-heure auparavant, je l'avais oubliée pour ne songer qu'à ma fille, et en ce moment j'oubliais ma fille pour elle. Je tâchais de la ranimer en frictionnant ses tempes avec de l'eau de Cologne et en lui faisant respirer quelques gouttes, lorsque j'entends Juliette m'appeler en poussant des gémissements plaintifs. Ah, que faire, mon Dieu, que faire? J'étais seule pour les soigner toutes deux. Ta mère, sortant alors de son évanouissement, ouvrit les yeux, prit ma main dans la sienne déjà froide et me dit, d'une voix éteinte, « Louise, je vais mourir, ne me quittez pas. » « Ma mère, rassurez-vous, le médecin va venir. » « Il est trop tard, mon enfant, la vie m'abandonne. Écoutez mes dernières paroles, vous les redirez à mon fils, à mon Edmond. » Et retenant toujours faiblement ma main dans la sienne, elle sembla se recueillir. « Oh, mon ami, je voudrais te peindre l'expression de sa figure vénérable à ce moment suprême. Dans l'avidité de ta douleur, je le sens, tu dois vouloir connaître jusqu'aux moindres circonstances de cette mort imposante, comme la mémoire de celle que nous pleurons. Son visage pâle n'exprimait aucune souffrance physique. Les bandeaux de ses cheveux blancs encadraient son beau front. Ses yeux, d'un bleu si doux, étaient demi-clos. Mais la vie, mais l'intelligence, y brillaient encore. Sa tête, tournée de mon côté, reposait sur son oreiller. Elle me regardait en silence avec une expression d'angélique bonté. Les forces me manquèrent. Je tombai à genoux près de son chevet, en couvrant de larmes et de baisers ses pauvres mains refroidies, dont je sentais pour ainsi dire la vie se retirer peu à peu pour refluer vers son cœur qui devait mourir le dernier. À ce moment doublement cruel, j'entendais Juliette murmurer d'une voix plaintive « Maman, maman !» Hélas, je ne pouvais abandonner ta mère. Son oreille affaiblie ne lui permit pas d'entendre l'appel plaintif de ma fille. Elle me dit lentement, en ménageant son souffle et ses forces expirantes, « Ma Louise, vous direz à Edmond que du fond du cœur je le bénis comme le meilleur des fils, comme le meilleur des pères, comme le plus honnête des hommes. Jamais sa tendresse pour moi, jamais son respect pour ses devoirs ne se sont démentis. Jamais mon fils autant que je l'honorais. » Elle s'interrompit encore un moment pour recueillir ses dernières pensées, ses dernières forces, et j'entendais la respiration brusque, rauque, saccadée de Juliette. Elle ne m'appelait plus. Je crus que son cri avait été celui de son agonie. Ah, je crus, mon Dieu, qu'elle allait mourir comme sa grand-mère. Mon ami, j'ai du courage, mais à ce moment, vois-tu, ce que j'ai souffert ne peut s'exprimer. En proie à l'angoisse où me jetait l'état de Juliette, je m'écriai. Ma mère, laissez-moi vous apporter ma fille. Elle me répondit par un signe de tête, craignant sans doute d'épuiser ses dernières forces en me parlant. Je courus dans l'autre chambre. J'y trouvai Juliette, la poitrine haletante, les lèvres entr'ouvertes, noirâtres et desséchées, la peau brûlante, les yeux fixés étincelants. Elle ne me reconnut pas. Je l'enlevai dans mes bras et je la portai sur le lit de sa grand-mère. Je les avais là du moins toutes deux près de moi. Lorsque je revins à côté de ta mère, ses paupières étaient fermées. Elle les entr'ouvrit et sentant que je prenais sa main pour la porter à mes lèvres, elle me dit, comme si son esprit commençait déjà à se troubler, « Louise, est-ce vous ?»« Oui, ma bonne mère. » »« Écoutez mes dernières paroles, elles sont graves. Vous et vos enfants, vous aurez peut-être encore beaucoup à souffrir. Louise, vous avez été pour moi un ange. Promettez-moi de ne jamais accuser mon fils de vos malheurs et de ceux de vos enfants. » « Oh, ma mère, » dis-je en pleurant, « jamais, jamais. » Au devoir, Edmond s'est sacrifié. Au devoir, il a sacrifié ce qu'il avait de plus cher, sa famille. Ne le blâmez pas. Glorifiez-le dans ses souffrances et dans les vôtres. Honorez-le. Comme moi, sa mère, je l'ai toujours honoré. Louise, ma tendre fille, je... » S'interrompant, elle fit un suprême effort, agita faiblement autour d'elle ses mains défaillantes comme sa voix, comme son regard. Elle murmura. « Les enfants, je veux embrasser les... » Elle n'acheva pas. La voix lui manqua tout à fait. Mon ami, son dernier vœu était exaucé. Au moment où elle demandait les enfants, Albert entrait essoufflé en criant. « Maman, voilà le médecin !»« Il est trop tard, lui ai-je dit, en fondant en larmes et en l'amenant vers le lit. « Embrasse une dernière fois ta grand-mère. » Le pauvre enfant, éperdu, sanglotant, s'est jeté au cou de notre mère, près de qui j'ai aussi approché Juliette, quoiqu'elle n'eût pas conscience de ce qui se passait. Ta mère a senti près d'elle les deux enfants. Il lui restait encore une lueur de connaissance. Elle a pu lever sa main jusque sur l'épaule d'Albert et a fait ensuite un léger mouvement pour le serrer contre elle. Puis, poussant un dernier soupir, elle a prononcé ton nom. Oui, le dernier nom qu'elle ait prononcé a été Edmond. Mon ami, son agonie et sa fin, du moins, ont été douces. À 3h10 du matin, elle a rendu son âme au ciel. Le médecin, amené par Albert, m'a affirmé, triste consolation, qu'après la violente commotion de la nuit, tous les secours de l'art auraient été impuissants à sauver notre mère. J'avais reporté Juliette dans son lit. Le médecin l'a examinée. Il n'y avait plus à en douter. Elle était atteinte d'une fièvre typhoïde. Il a prescrit dès lors la médication la plus énergique. Il la continue encore aujourd'hui. Depuis 3 jours, il est venu quotidiennement 4 ou 5 fois. Il ne désespère pas de sauver Juliette. Mais tout est à craindre jusqu'au 8e jour, époque de la crise décisive de cette maladie. La fièvre typhoïde étant inévitablement contagieuse pour les enfants, le médecin m'avait formellement déclaré qu'Albert en serait atteint si je ne l'éloignais pas sur le champ de sa sœur. Il me fallait donc me séparer de ce cher enfant, l'unique consolation qui me resta. Ta mère morte et ma fille mourante. Cette résolution me navrait, mais je n'ai pas hésité. Chaque heure de plus qu'il passait près de Juliette devenait pour lui un danger. Dès qu'il fit jour, j'écrivis à l'ancien maître de pension de mon fils pour le supplier de le garder pendant quelque temps. Il y a consenti, et le pauvre enfant, désolé, mais rempli de raison, nous a quittés, conduit par Honorine. Il a du moins ainsi échappé à tout ce qu'il y a eu pour moi de déchirant dans l'accomplissement des derniers devoirs que j'ai rendus à notre mère. Hélas, notre demeure est tellement exiguë qu'une seule porte séparait la chambre mortuaire de celle où je veillais auprès de Juliette. Mon ami, aucune main étrangère n'a touché les restes de celle que nous pleurons. J'ai, avec l'aide d'Honorine, rempli ce pieux office. Au moment d'ensevelir notre mère dans son linceul, j'ai religieusement baisé son front. Elle semblait sommeiller. Nulle contraction des traits n'altérait la douceur de son noble et beau visage. J'ai coupé deux boucles de ses cheveux. Je t'envoie l'une d'elles dans cette lettre. Puis j'ai clos ses paupières et tout a été fini. Elle a été pendant la seconde nuit, tour à tour, veillée par Honorine et par moi. Nous alternions ainsi entre ses soins funèbres et ceux que nous donnions à ma fille. Le matin, on est venu apporter le cercueil. Nous entendions tout de la chambre dans laquelle j'étais auprès de Juliette. À ce moment, mon ami, j'ai défailli. Ses coups de marteau m'ont été au cœur et je me suis trouvé mal. Honorine m'a secouru. Lorsque je suis revenu à moi, le cercueil était parti depuis une demi-heure. J'ai voulu assister à la messe de l'enterrement. Juliette me paraissait un peu plus calme. Je l'ai laissée sous la garde d'Honorine et je me suis rendu à l'église. Sous le portail, j'ai trouvé Albert. Son maître de pension l'avait envoyé à la triste cérémonie avec un des domestiques de la maison. Ce pauvre enfant m'a navré. Il m'a demandé d'accompagner le convoi jusqu'au cimetière. J'hésitais à me rendre à son désir, craignant pour lui la cruelle émotion d'un pareil spectacle. Alors il m'a dit « Mais si je n'accompagne pas ma grand-mère jusqu'au cimetière, il n'y aura personne au convoi. Elle semblera abandonnée par tout le monde. » C'est la triste vérité. Tous nos amis sont proscrits, et parmi nos simples connaissances, aucune n'aurait voulu, de crainte de se compromettre, assister au service. Pas même M. Heurtier, dont tu as été le caissier pendant 12 ans. La messe achevée, ton fils donna la main au domestique de sa pension, a seul suivi le convoi de sa grand-mère jusqu'à son dernier asile. J'avais recommandé au domestique de m'amener mon fils au retour de la cérémonie, de le laisser dans la cour de la maison et de monter me prévenir, car je redoutais pour Albert la contagion de la fièvre typhoïde. En rentrant chez moi après la messe, j'ai trouvé Juliette dans le même état où je l'avais laissée en sortant. 2 heures après, je suis descendue pour embrasser Albert. Il m'attendait dans la cour. Ce cher enfant, je ne saurais trop te le répéter, montre un courage, une raison au-dessus de son âge. Sa seule préoccupation est la maladie de sa sœur. Je l'ai beaucoup rassuré à ce sujet, ne voulant pas augmenter le chagrin que lui ont causé la mort de sa grand-mère et notre séparation momentanée. Ensuite, il s'en est tristement retourné à la pension. Hier, le médecin est venu 3 fois, et aujourd'hui déjà 2 fois. À mes questions sur les espérances que lui laissait l'état de Juliette, il m'a toujours répondu « Je ne puis rien prononcer de définitif avant le 8e jour. » Mon Dieu, quand viendra-t-il donc, ce 8e jour? Et maintenant, pauvre ami, je m'adresserai à ce courage, à cette résignation, à cette force d'âme que j'invoquais au début de ma lettre et dont tu as donné tant de preuves. Et maintenant je te dirai, résiste à l'accablement du terrible coup qui te frappe. Conserve-toi pour nous qui n'avons plus au monde que toi. Je ne chercherai pas à te consoler de la perte de notre bonne mère. On ne se console pas, on ne se console jamais d'une perte irréparable. Elle laissera dans notre famille un vide que rien ne remplira désormais. Ta mère était notre guide, notre soutien, notre encouragement dans le juste et le bien. C'était toujours à sa haute raison, à sa tendresse éclairée, que nous nous adressions lorsque dans la direction de notre vie ou de celle de nos enfants, nous éprouvions quelques doutes. D'un mot, elle nous indiquait la voie à suivre, et cette voie jamais ne déviait de la ligne austère du devoir. Le devoir, ce seul mot contenait tous les enseignements de celle que nous pleurons. Élevé par elle, tu t'es montré son digne fils. Je m'efforcerai à mon tour d'être digne de toi. Ces dernières et saintes paroles seront mon évangile et celui de nos enfants. Oh, crois-moi, mon Edmond, quel que soit le sort que l'avenir nous réserve, ainsi que l'a dit notre mère expirante, nous te bénirons, nous te glorifierons jusque dans tes souffrances et dans les nôtres, noble martyr du devoir qui a toujours été le guide de ta vie, comme fils, comme père, comme époux, comme citoyen. Ô Edmond, le saint jour que celui où tu reviendras près de nous, non pas au prix de lâches concessions, ta conscience et la nôtre les repoussent, mais où tu nous reviendras au nom de ton droit. Mon espérance sera réalisée. Rien au monde ne saurait m'ôter cette foi dans la sévère justice de Dieu. Je le sais, nous te reverrons brûlés par le soleil d'Afrique, amaigris par un labeur au-dessus de tes forces, éprouvé par les privations, par les misères de l'exil. Mais nous te reverrons le front haut, le cœur fier, l'âme sereine, parce que jamais tu n'auras failli à l'honneur. Nous aussi, tu nous trouveras bien changés, pauvre ami. Nos traits aussi porteront l'empreinte de nos longs chagrins, de nos misères peut-être. Nous aussi, nous aurons souffert. Mais nous aussi, nous serons fiers, depuis l'enfant jusqu'à la mère. Fiers d'avoir partagé avec toi ton glorieux martyr. Alors quels embrassements, mon Edmond! Tous nos cœurs battront dans ton cœur. Toutes nos peines seront oubliées, toutes, moins la mort de notre mère. Mais son souvenir sacré nous sera toujours présent, mais toujours nous parlerons d'elle comme d'une amie absente et chérie. Car la première âcreté de la douleur apaisée, on trouve un charme mélancolique à s'entretenir de ceux qui ne sont plus. Courage donc, mon Edmond, courage. Ah, sans la maladie de Juliette, je vivrais d'espérance. Et encore, il est tant de ressources de vitalité dans une enfant de cet âge. Espérons. Elle vivra, Edmond, elle vivra. J'ai interrompu ma lettre. Je viens de recevoir un mot de cette pauvre femme qui a gardé chez elle les enfants de ton compagnon d'exil, M. Sylvain. Le plus jeune des enfants reste près de sa marraine. Les autres ont été conduits aujourd'hui au dépôt de mendicité d'Orléans. Pauvre créature. Je ne ferme pas ma lettre ce soir. Et demain matin, si Juliette n'a pas passé une trop mauvaise nuit, j'irai voir ses enfants. Tu pourras ainsi donner de leurs nouvelles à leur père. Bonsoir, mon ami. Je suis fatiguée. Mais je te le dis, je puise une grande force dans la gravité même des circonstances. Et je trouve dans cette excellente Honorine une aide aussi utile que dévouée. Je serai obligée de la garder quelque temps encore à mon service. Car il faut, jour et nuit, veiller Juliette. Et je craindrais de ne pouvoir toute seule lui donner les soins multipliés que son état exige. Je viens d'aller jusqu'au lit de cette chère enfant. Sa peau est toujours brûlante et sèche, comme ses lèvres, jadis si vermeilles. Elle est assoupie. S'il n'y a pas de mieux, il n'y a pas non plus de recrudescence de mal. C'est jeudi, le 8e jour. Alors, tout sera décidé. Encore 3 jours d'angoisse. Enfin, espérons, espérons. Bonsoir, mon Edmond. À demain.